بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va commencer donc le cours numéro 14 aujourd'hui dans l'explication de Riyad al-Salihin, le charh de Cheikh Salih Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. فيعني اليوم سأنتقل من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية وأترجم بين الاثنين حتى يفهم الجميع إن شاء الله. Donc on va traduire comme d'habitude, mais un peu plus d'arabe que d'habitude, parce qu'il y a des frères arabophones qui assistent au cours. فنحن وصلنا إلى في الدر في الباب الأول هذا الباب هو عن الإخلاص موضوع الإخلاص وهذا الكتاب يعني رياض الصالحين هو كتاب للإمام النووي وهو جمع من الأحاديث في جميع الأبواب وهو كتاب ممتاز يعني معروف مشهور ومفيد جدا ووصلنا إلى الحديث الثالث عشر عن عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو القصة قصة الثلاثة الذين دخلوا في الغار ثم انصدت عليهم الغار بسبب الصخرة الذي سقط وسد الباب وسد المخرج فدعوا الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يفرج عنهم وكل واحد منهم ذكر عملا صالحا فعله لوجه الله فهذه مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب وسنقرأ الشرح اليوم. Est-ce que vous voulez qu'on relise le hadith encore une fois avant de commencer? C'est bon? On commence direct? Ok, d'accord. Parce qu'à la fin du dernier cours, on avait lu le hadith déjà. Inch'Allah. Qawluhu, هذا كلام الشيخ ابن عثيمين. Donc ابن عثيمين il dit Qawluhu intalaqa thalathatu nafarin أي ثلاثة رجال فآواهم المبيت فدخلوا في غار يعني ليبيتوا فيه والغار هو ما يكون في الجبل مما يدخله الناس ويبيتون فيه ويتظللون فيه عن الشمس وما أشبه ذلك فهم دخلوا حين آواهم المبيت إلى هذا الغار فتدرجت عليهم صخرة من الجبل حتى سدت عليهم باب الغار ولم يستطيعوا أن يزحزحوها لأنها صخرة كبيرة فرأوا أن يتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم فذكر أحدهم بره التام بوالديه وذكر الثاني عفته التامة وذكر الثالث ورعه ونصحه وأما الأول يقول إنه كان له أبوان شيخان كبيران وقال وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا يعني مثل الأهل مثل الزوجة والأولاد والمال من الأرقاء وما أشبه ذلك وكان له غنم يسرح فيها ثم يرجع في آخر النهار ويحلب الغنم ويعطي أبويه الشيخين الكبيرين ثم يعطي بقية أهله وماله. Donc on va traduire cette partie. Le cheikh il explique qu'il y a trois hommes qui sont rentrés dans la grotte. Donc vous connaissez l'histoire. Donc le cheikh il explique certains détails dans l'histoire. Ils sont rentrés dans une caverne, dans une grotte plutôt. Et la grotte c'est qu'est-ce qui est dans une montagne habituellement? Un trou dans une montagne, et les gens ils rentrent à l'intérieur pour se préserver soit de la chaleur du soleil le jour, ou bien pour se réfugier la nuit pour dormir. Et pendant qu'ils étaient à l'intérieur, il y a un gros rocher qui est tombé devant l'entrée de la grotte, et ils ne pouvaient plus sortir. Ils ont essayé de bouger le rocher, mais ça ne bougeait pas. Alors ils ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, chacun d'entre eux, pour mentionner une bonne action qu'ils ont faite, pour que Allah subhanahu wa ta'ala les libère. Le premier, il a mentionné sa bonté envers ses parents. Le deuxième, il a mentionné sa chasteté. Et le troisième, il a mentionné sa sincérité et sa piété. Et le premier, donc, Il dit qu'il avait des parents qui étaient âgés et il nourrissait personne avant eux. Ni sa famille, ni sa femme, ni ses enfants, ni ses biens, rien de qu'est-ce qu'il possédait. Il passait toujours ses parents en premier. Et ça fait partie de Birrul Walidain, partie de la bonté envers les parents. Et il avait aussi des moutons. Donc qu'est-ce qu'il faisait quand il partait pour prendre le lait, hein, des moutons? Et puis les brebis, bon, il allait les prendre le lait, puis il allait nourrir ses parents en premier. Ensuite, il allait nourrir le reste de la famille. Il dit, Yaqulu, فناء به طلب الشجر ذات يوم أي أبعد به طلب الشجر الذي يرعاه فرجع فوجد أبويه قد ناما فنظر هل يسقي أهله وماله قبل أبويه أو ينتظر حتى يستيقظ الأبوان فرجح الثاني يعني أنه بقي فأمسك الإناء بيده حتى برق الفجر أي حتى طلع الفجر وهو ينتظر أبويه فلما استيقظ شرب اللبن وأسقى أهله وماله قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه والمعنى إن كنت مخلصا في عمل هذا فعلته من أجلك ففرج عنا ما نحن فيه وفي هذا دليل على أن على الإخلاص لله عز وجل في العمل وأن الإخلاص عليه مدار كبير في قبول العمل فتقبل الله منه هذه الوسيلة وانفرجت الصخرة ولكن انفراجا لا يستطيعون الخروج منه. Donc ici le cheikh il explique la suite. Et il dit que yani un jour il a été retardé parce qu'il avait des arbres, probablement des fruits, hein, dans ces arbres qu'il était allé récolter ou des choses comme ça. Puis il est resté trop longtemps, alors il a trouvé que d'habitude il nourrissait ses parents en premier, mais quand il est rentré, il a trouvé que ses parents se sont déjà endormis. Et yani, c'est des gens qui ont des principes, hein, des principes très très strict envers eux-mêmes et envers leurs proches et leurs familles. Donc quand ils ont un principe, ils ne veulent pas en sortir. C'est-à-dire ils ne veulent pas changer leurs principes et leur façon de se comporter. Alors, ils ont un grand respect pour leurs parents. Hein? Ils ont un grand respect pour leurs parents, alors ils veulent les nourrir avant tous les autres. Alors, comme le cheikh, il l'explique, il dit, il a regardé la situation quand il est rentré, il a trouvé ses parents en train de dormir. Il a dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je nourris le reste de la famille et après j'attends qu'ils se réveillent puis je les nourris? Ou est-ce que je reste là, attendre qu'ils se lèvent, puis une fois qu'ils vont se réveiller, après je vais nourrir le reste de la famille? Il a choisi le deuxième choix, c'est-à-dire d'attendre. Donc il est resté là avec le contenant, avec le verre, hein, avec la nourriture pour ses parents. Pendant toute la nuit, attendre jusqu'à ce que ses parents se lèvent. Quand l'aube s'est levée, il a nourri ses parents. Et ensuite, il a nourri le reste de la famille. Et donc, il a dit par la suite, « Ô Allah, si ce que j'ai fait, c'était sincère uniquement pour ton visage, alors libère-nous de ce dans quoi nous sommes maintenant. » C'est-à-dire de cette impasse, hein, pour qu'on puisse sortir. Et donc ça veut dire que, si l'action que j'ai faite, c'est une action qui était sincère et que je l'ai faite uniquement pour te faire plaisir, pour ton visage, alors délivre-nous de ce malheur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la preuve qu'il faut être sincère dans nos œuvres. Quand on fait quelque chose dans la vie, dans tout ce qu'on fait dans notre vie, on devrait toujours essayer de faire ce qu'on fait avec une pureté d'intention et une sincérité pour Allah seulement, et pour personne d'autre et pour rien d'autre. Et donc ça nous donne la signification et le sens que al-ikhlas, hein, al-ikhlas, la pureté, la sincérité, c'est quelque chose qui a une très grande importance dans l'acceptation d'Allah de nos œuvres. C'est-à-dire que si les œuvres ne sont pas faites avec ikhlas, Allah il ne va pas les accepter. Même si ces œuvres sont grosses comme des montagnes. يعني حتى الأعمال التي نعملها حتى إذا كانت مثل الجبال من الصدقات من الصلوات من الأدعية من الصيام من الصلاة يعني من كل الأعمال إذا كان فيه شرك في هذه الأعمال شرك أو رياء الله سبحانه وتعالى لا يقبلها يعني يردها لا يريدها Donc ça nous donne l'importance de l'ikhlas dans l'islam. Et le cheikh il dit ensuite que le rocher il s'est donc bougé un peu, mais ce n'était pas suffisant pour qu'il puisse sortir. Le deuxième, il a donc fait lui aussi un dua. الثاني توسل إلى الله عز وجل بالعفة بالعفة التامة وذلك أنه كان له ابنة عم وكان يحبها حبا شديدا كأشد ما يحب الرجال النساء فأرادها عن نفسها أي بالزنا يعني ليزني بها ولكنها لم توافق وأبت فألمت بها سنة أو سنة أو سنة سنة يعني سنة من السنين أو سنة من السنين وأصابها فقر وحاجة أسسة. Donc il parle ici de d'une famine qui les a affectés. Donc je ne me rappelle plus si c'est Sina ou Sana. À la kulli hal, on comprend la signification. Il dit Asabaha faqrun wa hajatun fattarrat ila an tajouda binafsiha fi zina min ajli darura. Wa hada la yajouz. Walakin hada alladhi hasala, yani faja'at ilayhi fa'a'taha 120 دينارا أي 120 جنيها من أجل أن تمكنه من نفسها ففعلت من أجل الحاجة والضرورة فلما جلس منها الرجل مجلس الرجل يعني من امرأته على أنه يريد أن يفعل بها قالت له هذه الكلمة العجيبة العظيمة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه يعني خوفته بالله عز وجل وأشارت إليه إلا أنه إن أراد يعني إن أراد هذا الحق أو إن أراد هذا بالحق فلا مانع عندها ولكن كونه يفض الخاتم بغير حق هي لا تريده وترى أن هذا من المعاصي ولهذا قالت له اتق الله فلما قالت له هذه الكلمة التي خرجت من أعماق قلبها دخلت في أعماق قلبه وقام عنها وهي أحب الناس إليه يعني ما زالت رغبته عنها ولا كرهها بل حبها باق في قلبه ولكن أدركه خوف الله عز وجل فقام عنها وترك لها الذهب الذي أعطاها 120 دينارا ثم قال اللهم إن كنت فعلت هذا لأجلك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج وهذا من آيات الله لأن الله على كل شيء قدير ولو شاء تعالى لانفرجت عنهم لأول مرة ولكنه سبحانه أراد أن يبقي هذه الصخرة أن يبقي هذه الصخرة حتى يتم لكل واحد منهم ما أراد أن يتوسل به من الأعمال الصالحة. Donc ici le cheikh il explique l'histoire du deuxième parmi les trois et lui il a invoqué Allah سبحانه وتعالى en mentionnant la chasteté dont il a fait preuve. Et cette chasteté, c'est parce qu'il avait une cousine qu'il aimait beaucoup. Et dans le hadith, on dit, il aimait le plus fort qu'un homme peut aimer une femme. C'est-à-dire, il aimait énormément cette femme-là. Et il voulait qu'elle s'abandonne à lui. C'est-à-dire, il voulait qu'elle lui permette de faire le zina avec elle. Allah al-musta'an. Mais elle n'a pas accepté. Elle a refusé. Et elle refusait quoi, tout le temps, ses avances. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Pendant une famine, une période de famine ou de difficulté, comme on dit des fois maintenant, des crises économiques, hein, qui arrivent des fois, les difficultés comme ça, des périodes de famine où il n'y a pas beaucoup de nourriture, il n'y a pas d'argent. Donc, elle était dans le besoin, elle était pauvre. Donc, elle a été forcée, hein, de s'offrir à son cousin en voulant dire « j'ai besoin d'argent ». Donc, finalement, elle a accepté ses avances en échange d'une somme d'argent à cause de la nécessité et du besoin. Et le cheikh, il dit « malgré le besoin, c'est haram, hein? Ce n'est pas une excuse ». Tu dis, ah, mais j'ai besoin d'argent, je vais me prostituer ou je vais demander de l'argent pour en échange du zina. Ça, c'est pas permis dans l'islam. C'est pour ça que dans l'islam, la prostitution, c'est interdit. Hein? C'est interdit. Et le fait qu'une femme soit dans le besoin, ça ne doit pas être une justification pour elle de vendre sa chasteté et de vendre son honneur. D'accord? Ala kulli hal, le hadith, il nous décrit une situation qui s'est produite. Et les gens, les êtres humains, ils font des péchés. Donc ça, c'était un exemple de faiblesse de la part de cette femme à ce moment-là. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? C'est qu'il lui a donné de l'argent. Hein? Il lui a donné de l'argent en échange, donc, de pouvoir profiter d'elle. Et le cheikh, il dit, c'était à peu près 120 dinars. Hein? 120 dinars, c'est des pièces d'or à l'époque. Et donc, il lui a donné l'argent. Et au moment où il s'est placé devant elle, de la façon qu'un homme se place dans la position avec sa femme, quand il se prépare pour faire le zina avec elle, elle lui a dit une parole étonnante. C'est quoi? Elle lui a dit, préserve-toi d'Allah, et taqillah, et ne perce pas le yani, c'est-à-dire en voulant dire, ne prends pas ma virginité, excepté par son droit. Hein? C'est-à-dire, si tu veux, yani, de moi, il faut que tu me prennes dans le mariage. Il faut que tu te maries. Il faut que tu demandes ma main. C'est pas comme ça, hein? Pas dans le haram. Alors, quand il lui a dit cette parole, yani, ça a un effet sur lui. Il a eu peur d'Allah à ce moment-là. Il a eu peur d'Allah. Et donc, elle considère, elle a vu que c'était un péché, que c'était pas bien, que c'était pas correct. Donc, elle lui a dit, Ittaqillah, préserve-toi d'Allah et de son châtiment. Et ça venait du profond de son cœur quand elle a dit ça. Hein, du plus profond de son cœur, et c'est rentré dans son cœur à lui aussi. Malgré qu'il aimait cette femme, malgré qu'il la désirait, cette femme, mais il a compris à ce moment-là qu'il devait craindre Allah. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est relevé, il a même pas repris son argent, il lui a laissé l'argent, puis il est parti. Subhanallah. Et il a dit, « Oh Allah, si j'ai fait cela uniquement pour toi, alors délivre-nous de ce dans quoi nous sommes. » À ce moment-là, le rocher s'est enlevé encore un petit peu. Mais ils n'étaient pas encore capables de sortir complètement. Et le cheikh, il dit, ça c'était parmi les signes d'Allah, parce qu'Allah, il a le pouvoir de toutes choses. Il aurait pu les libérer du premier coup. Mais il a voulu, hein, que chacun puisse donner ou mentionner et invoquer Allah par une action qu'il avait faite pour que, yani, ce soit un moyen pour eux ou une cause pour eux pour qu'ils puissent justement faire ce genre de demande en mentionnant ces bonnes actions. Le troisième, ça aussi c'est un exemple qui est très étonnant. Et surtout à notre époque, on ne voit pas souvent des exemples comme ça. Mais il y en a toujours du bien, alhamdoulilah. Le cheikh, il mentionne l'explication. Il dit, وأما الثالث فتوسل إلى الله عز وجل بالأمانة والإصلاح والإخلاص في العمل، فإنه يذكر أنه استأجر أجراء على عمل من الأعمال فأعطاهم أجورهم إلا رجلا واحدا ترك أجره لم يأخذه، فقام هذا المستأجر أو هذا المستأجر فثمر هذا المال فصار يتكسب به بالبيع والشراء وغير ذلك، حتى نما وصار منه إبل وبقر وغنم ورقيق وأموال عظيمة. فجاءه بعد حين هذا العامل فقال له: يا عبد الله اعطني أجري. فقال له: كل ما ترى فهو لك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: لا تستهزي بي، الأجرة التي لي عندك قليلة، كيف لي كل ما أرى من الإبل والبقر والغنم والرقيق؟ لا تستهزي بي. فقلت: هو لك. فأخذه واستاقه كله ولم يترك له شيئا. Il aurait pu dire: je vais te laisser la moitié ou quelque chose. Il a tout pris, il a rien laissé. يعني فلم يترك شيئا له. اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وانفتح الباب فخرجوا يمشون، لأنهم توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم التي فعلوها إخلاصا لله عز وجل. سبحان الله. يعني الشيخ explique que le troisième il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en mentionnant son honnêteté dans le respect du gage, dans le respect de l'amana, le gage que quelqu'un, le dépôt que quelqu'un lui a laissé, et également dans le bien, dans l'ikhlas, la sincérité dans l'action et dans les œuvres. Donc il mentionne qu'il avait employé des œuvriers. Muslim, tu connais ça toi? Contracteur, tu engages des gens pour travailler pour toi dans un projet, dans une construction, dans quelque chose. Donc il y a plusieurs employés qui font leur travail. Tu donnes à chacun son salaire. Sauf qu'il y en a un d'entre eux, il a laissé l'argent dans tes mains, il est parti, il n'a pas pris tout de suite son salaire. Toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Tu prends ce salaire, tu l'investis dans telle affaire, dans telle chose. Et tu vois que son argent commence à grandir, il commence à faire des profits. Tout cet argent-là, ça commence à s'accroître, à devenir beaucoup. Et donc, dans le hadith, il dit, il a commencé à investir son argent, à fructifier son argent, jusqu'à ce qu'il commence à posséder beaucoup de chameaux, des vaches, des moutons, des esclaves. Ça, c'est une richesse, ça, c'est une fortune. Vous savez combien ça coûte une vache? Vous savez combien ça coûte un chameau? Vous savez combien ça coûte? C'est beaucoup d'argent. Donc, quand il commence à avoir beaucoup de choses comme ça, tout ça avec quoi? Avec le salaire de l'employé qui était parti. Alors, quand l'employé est revenu, il a dit: oh, serviteur d'Allah, oh, Abdullah, donne-moi mon salaire. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il aurait pu lui dire: ok, tiens, je te donne ton salaire. Va-t'en. Il n'a pas fait ça. Il a dit: tout ce que tu vois là, ça, la richesse là, les moutons, les chameaux, les vaches, tout ça, c'est à toi. Pourquoi c'est à toi? Parce que c'est avec ton argent que je l'ai, que je l'ai investi, que je l'ai fructifié. Tout ça, c'est toi. Alors, il a dit: arrête de te moquer de moi. Moi, je t'ai laissé, c'est mon salaire là, c'est quelque chose de petit là, c'est pas un gros salaire. Puis là, j'arrive, puis toi, tu me dis: tout ça, c'est à moi. Arrête, ne te moque pas de moi. L'homme, il a dit: je me moque pas de toi, tout ça, c'est à toi. Il a dit, il a pris ses biens, il est parti avec, il n'a rien laissé. Il aurait pu dire: ben donne-moi un 10%, 20%, 30%. Il n'a rien demandé. Il a tout parlé, il a tout donné. Alors l'âme, il est parti. Il a dit, oh Allah, si ce que j'ai fait, je l'ai fait uniquement pour toi, et pour ton plaisir, pour te plaire, uniquement pour ton visage, alors délivre-nous de ce dans quoi nous sommes. Alors à ce moment-là, le rocher s'est complètement démarqué, comme on dit, s'est enlevé complètement de l'embouchure de la grotte, et ils ont donc pu sortir et ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils avaient demandé à Allah subhanahu wa ta'ala par les bonnes œuvres qu'ils avaient faites. Et ils avaient fait ces œuvres-là avec ikhlas. Et comme je disais à la fin du cours, la semaine passée, je disais, imaginez-vous que vous êtes pris dans la grotte. فَكِّرُوا لَوْ مَثَلًا أَنَّكُمْ أَنْتُمُ الَّذِينَ هُمْ فِي الْغَارِ يعني وَفَكِّرُوا فِي أَنفُسِكُمْ بِمَاذَا ستدعون الله سبحانه وتعالى بأي عمل من أعمالنا نستطيع أن ندعو الله أن هذا العمل فعلناه خالصا لوجهه فقط وأن الله سبحانه وتعالى سيفرج عنا أي عمل يعني la première fois que j'ai lu ce hadith c'est la réflexion qui m'est venue à l'esprit يعني أول مرة لما قرأت هذا الحديث هذا السؤال الذي جاء في قلبي يعني ماذا لو كنت في حالهم ماذا قدمت يعني ماذا قلت يعني ماذا بماذا دعوت الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة يعني أي عمل أستطيع أن أذكره أن الله سبحانه وتعالى فعلته خالصا لوجهه يستحق هذا العمل أن الله سبحانه وتعالى يفرج عني في مثل هذه الأمور فيعني سبحان الله هذا يشجع على أن يعني نجتهد أكثر في إخلاص أعمالنا يعني وأن تكون الأعمال خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى donc ça nous incite ce hadith là à faire encore plus d'efforts pour essayer de faire que nos œuvres soient uniquement pour Allah parce que الرياء c'est qu'est-ce qu'on fait comme si par exemple on fait une action qui fait partie des actions de la religion qu'on doit faire uniquement pour Allah, mais au lieu de le faire pour Allah, pour que Allah nous récompense, on le fait pour que les gens nous glorifient, ou pour que les gens nous voient, ou pour que les gens nous entendent. Donc si c'est le cas, les œuvres qu'on a faites de cette façon-là, avec Ria, Allah ne va pas les accepter. Et juste en passant, ça c'est important de le mentionner, que l'ostentation, Ria, c'est dans le cœur. C'est pas dans les actions elles-mêmes. Parce que l'autre jour, j'entendais un gars qui parlait à la radio, un musulman qui parlait à la télévision en France, et il disait que le voile de la femme, c'est de l'ostentation. Ria. Et que dans l'islam, il ne faut pas montrer sa religion ou je ne sais pas quoi. Et ça, c'est du mensonge parce que Ria, c'est pas dans les actions, c'est dans le cœur. Yani, sinon, si quelqu'un il pense ou il a cette mentalité-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne va pas pratiquer sa religion devant les gens, il va faire sa religion en cachette ou il va se cacher. Alors que dans l'islam, il y a des œuvres qui nous sont ordonnées et qu'on doit faire en groupe, qu'on doit faire ensemble. Et il y a des choses qui nous sont ordonnées dans l'islam qu'on doit faire, même si les gens nous voient. Mais même si les gens nous voient, ça ne veut pas dire qu'on a du ria quand on le fait. Sauf si quelqu'un il a du ria dans le cœur au moment où il fait l'action. Alors là, dans ce cas-là, on va dire c'est du ria. Mais qui est-ce qui sait que c'est du ria? C'est Allah seulement. C'est seulement Allah qui sait si quelqu'un il est en train de faire le ria ou non. Mais sinon, nous, on regarde les gens, on ne peut pas savoir qui est-ce qui fait le ria ou non. Parce qu'on ne connaît pas l'état du cœur des gens au moment où ils font qu'est-ce qu'ils font ou au moment où ils disent qu'est-ce qu'ils disent. Donc, c'est pour ça que même un nifaq, même un nifaq al-akbar, nifaq al-qalbi, tu ne peux pas le savoir nécessairement. Parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il connaissait les munafiqins. Parce que Allah lui a révélé par la révélation, bil-wahi, ils savaient qui était munafiq, qui n'était pas munafiq. Mais les sahaba, ils ne savaient pas. Ils se basaient sur quoi? Sur les actions, sur les paroles, pour savoir si quelqu'un dit des choses qui contredisent l'islam, contredisent le Coran et la sunna. Hein? C'est pour ça que Allah dit « وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ » Tu vas les connaître par l'expression de leur langage, hein, de leurs paroles. Il y a des signes, il y a des signes qui les distinguent, par lesquels tu peux les reconnaître. Mais tu ne peux pas être certain que ce sont des munafiqines. Parce que les munafiqines, ils faisaient la salat, ils faisaient le jeûne, ils faisaient même le djihad avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était des munafiqines. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, « Innal munafiqina fi d-darki l-asfali minan nar » Les munafiqines sont dans le plus fond des profondeurs de l'enfer. Mais c'est qui connaît les munafiqines? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose pour ceux qui font le riya. Donc le fait de faire la salat, si tu pries à la mosquée, tu fais ta salat, tu vas à la mosquée, quelqu'un ne peut pas dire, ah, lui il fait le riya parce qu'il va à la mosquée. Non, c'est obligatoire d'aller à la mosquée. C'est obligatoire de prier en jama'a. Hein? Donc comment tu vas dire, c'est du riya? Ou bien, quelqu'un par exemple, il a une barbe. Tu dis, ah, lui il met sa barbe, ça c'est du riya. Il veut se montrer. La barbe, c'est obligatoire. Comment tu vas dire qu'il fait du riya? Hein? Tu veux qu'on se rase pour faire qu'on fait pas de riya? Tu veux que tu dis, ah, je ne vais pas prier parce que sinon les gens ils vont penser que je fais du riya. Et la femme, elle va dire, ah, oh, je ne vais pas mettre le hijab, sinon les gens vont dire que c'est du riya. Hein? Ça vient des koufars parce que c'est eux qui disent, ah, il faut interdire les signes ostentatoires dans la religion, on ne veut pas des signes ostentatoires. Ça, ce n'est pas ostentatoire déjà à la base. Parce que les koufars, ils ne savent même pas ce que c'est ostentatoire de toute façon. Hein? Yani, subhanallah. Je ne dis pas si quelqu'un porte un turban de 3 mètres d'épaisseur, comme les soufis, hein? Puis ils viennent comme ça avec le tasbih de 3 mètres, puis qu'ils marchent comme ça dans la rue. Hein? Là, les ulama, ils ont parlé de ça. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit libas al-shuhra, les vêtements de célébrité pour se faire, hein, remarquer. Mais c'est pas parce que c'est du riya, hein? C'est parce que c'est quelque chose qui te distingue des autres musulmans. Ala kulli hal, yani, les gens, ils ont une drôle de façon de penser parfois. Et surtout quand on vit chez les koufars et quand ils ont une attitude qui est mauvaise envers les musulmans et l'islam, ils veulent toujours mettre de la pression pour que les musulmans cessent de pratiquer l'islam. Et il y en a beaucoup de musulmans qui sont faibles ou qui ont des complexes d'infériorité et qui veulent toujours essayer de dire des choses pour leur faire plaisir, même si ça fait pas plaisir à Allah. L'important pour eux, c'est pas de faire plaisir à Allah, c'est de faire plaisir aux kuffars. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est une caractéristique des munafiqins. Hein? Allah musta'an. Ala kulli hal, pour revenir à notre sujet. Donc, le cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il dit, فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ وَالْعِبَارِ فضيلة بر الوالدين وأنه من الأعمال الصالحة التي يفرج بها الكروبات ويزيل بها الظلمات. Donc il dit, parmi les bienfaits qu'on peut comprendre dans ce hadith là, le premier, c'est le mérite et l'excellence d'être bon envers nos parents, que ça fait partie des bonnes œuvres. Et que par cette œuvre, Allah, il peut même nous délivrer des différents malheurs qui peuvent nous toucher et qui peut également éliminer les ténèbres, hein, dans nos vies. Donc ça, c'est important. Birrul walidain, ça fait partie des choses extrêmement importantes. Même que dans le Coran, quand on regarde, souvent Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne le tawhid et après il mentionne, hein, birrul walidain. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Donc après avoir mentionné le tawhid, que tu dois juste adorer lui et personne d'autre que lui, deuxième chose, وبالوالدين إحسانا, la bonté envers les parents. Donc c'est extrêmement important. Le deuxième chose, le cheikh il dit ensuite, وفيه فضيلة العفة عن الزنا وأن الإنسان إذا عفى عن الزنا مع قدرته عليه فإن ذلك من أفضل الأعمال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله فهذا الرجل مكنته هذه المرأة التي يحبها من نفسها فقام خوفا من الله عز وجل فحصل عنده كمال العفة يعني فيرجى أن يكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Le cheikh il explique que parmi les mérites qui sont mentionnés dans ce hadith là, il y a le mérite de la chasteté, de ne pas commettre le zina, la fornication et l'adultère. C'est-à-dire, de façon générale, de ne pas avoir des rapports sexuels en dehors du mariage. Parce que c'est quelque chose qui est interdit dans l'islam. Et donc, celui qui s'est gardé chaste et qui s'est préservé de la turpitude et de la débauche et de la perversité, alors qu'il avait la capacité de le faire, que ça, c'est une des meilleures actions. Et surtout dans ce pays, dans un pays qui n'est pas un pays musulman. Allez, tu vis autour de surtout si tu es étudiant ou des choses comme ça, tu vas dans les écoles, dans les universités, les collèges, les jeunes filles ici, elles se pensent libres. Elles ne croient pas en l'interdiction du zina. Surtout les femmes mécréantes, elles pensent que tout ça c'est normal. Comme parfois tu vois par exemple des animaux dans la nature, comment ils se reproduisent en public devant tout le monde. Ces gens-là, ils pensent que c'est comme ça les animaux. Comme on est des animaux, on peut faire qu'est-ce qu'on veut. Pas besoin de se marier. Pas besoin de la famille, pas besoin de rien. Yani, Allah al-Musta'an. Donc le cheikh, il dit que ça, la chasteté, c'est extrêmement important. Malgré que pour beaucoup de gens aussi, beaucoup de jeunes, maintenant tu leur parles, tu leur dis le mot chasteté, même ils ne connaissent même pas. Peut-être qu'ils n'ont jamais entendu le mot chasteté. Ils disent chasteté. Chasteté, c'est quoi ça? Et surtout, ils ne connaissent même pas les dictionnaires. Beaucoup de jeunes, ils n'ont jamais vu un dictionnaire. Maintenant, c'est qu'avec les téléphones. Donc, si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est, tu n'as pas de dictionnaire, regarde sur Google, écris chasteté. Tu vas voir la définition. Tu vas comprendre. Al-Iffa, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est important. Et moi, c'est une chose que j'ai pris comme habitude dans ma vie, tout le temps. N'importe quel mot que je lis, que ce soit en arabe, que ce soit en français, si je ne l'ai jamais entendu ou si je l'ai entendu mais je ne connais pas sa définition, tout de suite je vais chercher sa définition dans le dictionnaire. Et moi, quand j'étais prof à l'école, parce que j'ai enseigné dans les écoles, à chaque fois que mes élèves venaient me demander la définition d'un mot, à chaque fois, je leur dis, va voir dans le dictionnaire. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Jamais je leur donne la définition. Tout le temps, je leur dis, va voir dans le dictionnaire. Va voir dans le dictionnaire. Parce que quand tu vas le chercher dans le dictionnaire, tu fais l'effort de trouver sa définition, tu ne vas pas l'oublier par la suite. Mais si je te le dis aujourd'hui, demain, tu vas l'oublier. Donc, ça c'est important, les mots, ils ont leur importance. La pudeur, la chasteté, la modestie. Tous ces mots-là sont devenus étranges aujourd'hui. C'est des mots oubliés par la génération là, qu'on connaît. Mais, bi'idhnillah, si on leur enseigne, ils vont l'apprendre. Parce que c'est très important. Et le cheikh, qu'est-ce qu'il explique par rapport à ce hadith-là? Il dit, celui qu'il avait la capacité de faire le zina. Hein? Et ce n'est pas comme celui qui est dans une société qui est conservatrice, où les femmes se préservent, où les hommes et les femmes ne se mélangent pas. Hein? Là, il n'a même pas d'occasion. Même s'il souhaiterait, même s'il pense à faire le zina, il ne peut même pas. Hein? Tandis que tu es dans une société où tout est ouvert, la mixité, c'est partout. Il y a les bars, il y a les endroits publics, il y a les trucs de rencontres, toutes les affaires de tout, à l'école, l'université, dans les transports, partout. Hein? Donc, il y en a toutes des opportunités. Hein? Allah al-Musta'an. Et toi, malgré ça, tu te préserves. Et il y en a des fois, c'est comme si... Peut-être que les femmes, peut-être elles ne le regardent même pas. Peut-être qu'il n'est pas attirant pour les femmes. Les femmes ne l'aiment pas. Mais il y en a d'autres, c'est les femmes qui lui courent après. Hein? Toutes les femmes, elles le voient, elles lui courent après pour essayer de lui parler ou de le connaître. Elles veulent lui adresser la parole. Hein? Allah al-Musta'an. Et lui, il est chaste, il se préserve. Non. Hein? Surtout que quand tu vis dans une société, les femmes ne se voilent pas. La hijab, la iffa, la haya, la shay. Ça demande de la force, ça demande de la personnalité, ça demande du courage de résister. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui résiste et qui reste chaste devant ses avances, il va faire partie des sept, parmi les sept catégories de personnes que Allah va couvrir de son ombre au jour de la résurrection, lorsqu'il n'y aura pas d'ombre excepté son ombre. Et il a dit dans ce hadith, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, un homme qui a été appelé par une femme qui a un statut élevé et qui est belle. Vous imaginez? Hein? Une femme qui est d'un statut social élevé, hein? Et qui est belle en même temps, attirante. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Je crains Allah, j'ai peur d'Allah. C'est-à-dire, j'ai peur de désobéir à Allah. Comme l'exemple de Youssouf. Youssouf, alayhi salam. Quand il a été invité par la femme de l'Aziz, hein? Elle voulait même, hein, le forcer à commettre le zina avec lui. Et lui, il s'est enfui, il a peur d'Allah. Hein? Elle l'a tiré même par son vêtement, par derrière, elle l'a déchiré, subhanallah. Hein? Et elle était déterminée à avoir qu'est-ce qu'elle voulait. Hein? Vous connaissez l'histoire dans Sourate Yusuf? Donc ça, c'est connu. Hein? Mais il avait peur d'Allah. Il dit, « Oh Allah, la prison est préférable pour moi que de répondre à leurs avances et que de répondre à leurs... » Donc, qu'est-ce que tu aurais fait à la place de Youssouf, alayhi salam? Qu'est-ce que tu aurais fait? Hein? Donc, cet homme, hein, qui était dans cette situation dans le hadith, où la femme, elle s'est abandonnée à lui. Elle lui a laissé la permission de faire le zina avec elle. Et à ce moment-là, il a eu peur d'Allah. Il s'est levé parce qu'il a eu peur d'Allah. Il a su que s'il faisait ça, Allah ne serait pas satisfait de lui. Allah serait en colère contre lui. Il n'a pas voulu désobéir à Allah. Il s'est levé, il a laissé. Hein? Cette femme, alors qu'il l'aimait, vous ne pouvez pas imaginer, c'est pas la même chose que, hein, si c'est une femme qui est laide ou bien qui lui plaît pas ou qui l'aime pas. Ça, c'est une chose, c'est facile. Mais cette femme, c'est la femme qu'il aimait le plus au monde. Il dit, il n'y a pas un homme qui aime une femme. C'est-à-dire, l'amour que j'avais pour elle, c'était l'amour le plus fort qu'un homme peut avoir pour une femme. Subhanallah. Il l'aimait passionnellement, cette femme-là, passionnément. Il était prêt à tout pour elle. Et au moment où elle lui a dit « Ettaqillah », il s'est levé, il a laissé tout. Hein? Pour Allah, par crainte d'Allah. Et donc, le cheikh, il dit, on espère donc pour lui que Allah le place parmi les gens qui seront couverts par son ombre, le jour où il n'y aura pas d'ombre, excepté son ombre. Vous savez qu'au jour de la résurrection, le soleil sera rapproché des têtes. Hein? Et les gens vont être pendant 50 000 ans debout en train d'attendre le jugement. Et la sueur va commencer à sortir de leur corps. Certains, ça va leur arriver à la cheville, d'autres, ça va leur arriver au genou, d'autres, ça va leur arriver à la taille, d'autres, ça va leur arriver aux épaules, d'autres, ça va leur arriver au nez. Il y en a même qui vont être noyés dans leur propre sueur, selon leur foi, selon leur action, selon leur... Hein? Les hommes, on transpire selon la nervosité, l'anxiété, la peur qu'on a. Et celui qui a fait beaucoup de péchés, il a plus peur, donc il transpire plus. Que Allah nous préserve. Et donc, ce jour-là, il y en a qui vont être couverts par de l'ombre. Allah va les couvrir sous l'ombre de son trône, ce jour-là. Ça veut dire qu'eux, ils ne vont pas être brûlés par le soleil et ils ne vont pas avoir de crainte. Hein? La khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Donc, c'est pour dire qu'on espère que Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit parmi ces gens-là aussi. Qu'Allah nous préserve. Le cheikh, il dit, « Wa fi hadha al-hadith » دليل على فضل الأمانة وإصلاح العمل للغير فإن هذا الرجل بإمكانه لما جاءه الأجير أن يعطيه أجره ويبقى هذا المال له ولكن لأمانته وثقته وإخلاصه لأخيه ونصحه له أعطاه كلما أثمر أجره. Il dit, regardez, dans ce hadith aussi il y a la preuve du mérite d'être honnête dans les engagements et de respecter le dépôt que quelqu'un nous a confié et de bien agir envers les autres et d'être honnête envers les autres. Cet homme-là, quand son employé est venu chercher son salaire, il aurait pu juste lui donner son salaire seulement. Hein? Tiens, t'en prends ton salaire, va-t'en. Le reste, je le garde, c'est à moi. C'est moi qui l'a fait... Hein? C'est moi qui l'a fait travailler cet argent-là. Donc je le garde, le profit, c'est à moi. Il n'a pas voulu. Il a dit, moi je le fais pour Allah. Et je l'ai fait fructifier cet argent-là, c'était pour Allah que je l'ai fait. Pour que je le remette à cette personne. Quand il est venu, il lui a tout donné cet argent-là. Hein? Pourquoi? Parce qu'il voulait être honnête. Il voulait respecter le gage. Hein? Il voulait être sincère envers son frère. Hein? Et donc, il lui a tout donné, ce qu'il avait gagné à partir de son argent. وَمِنْ فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ قُدْرَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ حَيْثُ إِنَّهُ تَعَالَى أَزَالَ عَنْهُمُ الصَّخْرَةِ بِإِذْنِهِ لَمْ تَأْتِ سَيَّارَةٌ تُزِيلُهَا وَلَمْ تَأْتِ رَجُلٌ يُزَحْزِحُونَهَا وإنما هو أمر الله عز وجل وأمر الله هذه الصخرة أن تنحدر فتنطبق عليهم ثم أمرها أن تنفرج عنهم يعني والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. Le cheikh, il dit, et ça, parmi les bienfaits de ce hadith-là, il y a la puissance d'Allah, l'explication du fait que Allah, il est tout-puissant. Du fait qu'il a fait enlever ce rocher-là par lui-même tout seul. Et le croyant, il n'est pas yani, quelqu'un qui est seulement matérialiste au point où il va seulement croire aux causes yani, matérielles. Le dua, c'est un moyen puissant pour obtenez ce qu'on a besoin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, hein, Il peut nous délivrer dans des situations, n'importe quelle situation dans laquelle on est, mais en particulier lorsqu'on est dans une situation de détresse et qu'on implore Allah, comme lorsqu'on est en train de se noyer ou lorsqu'on est en train de périr au moment de la détresse et qu'on implore Allah avec toute notre force, toute notre sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala, il écoute, il répond. Hein? Amman yujibu al-muttarra idha da'ahu wa yakshifu as-su. Quand quelqu'un il est dans une situation de détresse et qu'il implore Allah, Allah il l'écoute encore, il l'exauce plus encore parce que son doigt est plus sincère qu'en temps normal. Et je ne sais pas si vous, je ne sais pas, il y en a. Moi par exemple, je suis un peu claustrophobe. Quand il y a des endroits où c'est fermé, je peux plus respirer, même si je suis pas, même s'il y a de l'air. Et je regardais l'autre jour sur YouTube une vidéo des gens qui descendent dans une grotte. Et juste à la regarder la vidéo, je manquais d'air. Parce qu'ils passaient dans des petits couloirs vraiment étroits. Et tu sais, si tu rentres, mais tu sais pas si tu peux sortir après. Et je suis tombé sur, vous savez, des fois, vous cliquez sur une vidéo, puis il y en a plein d'autres qui sont à côté, des suggestions. J'ai trouvé une autre vidéo à côté où un homme qui est rentré dans une de ces grottes, mais c'est une grotte très dangereuse, même les autorités aux États-Unis, là, ils disent aux gens de pas y aller, mais lui, il est descendu quand même. Il est rentré dans un des trous, il est arrivé dans une place tellement étroite. Il avait la tête en bas, il ne pouvait plus ressortir. Et ils ont tout essayé pour le faire sortir et il est resté pris. La tête en bas. Et après 24 heures, il est mort. Il y a à peu près une centaine de secouristes qui sont descendus en bas pour essayer de le faire sortir avec des poulies, avec toutes sortes de systèmes. Ils ont tout essayé, mais ils n'ont pas été capables. Donc, toutes sortes de choses comme ça. Tu dis, mais. Pourquoi tu vas mettre ta vie en danger pour aller dans des grottes, explorer des endroits comme ça, tu sais même pas qu'est-ce qu'il y a en bas, hein? Et tu meurs comme ça, de cette façon-là, d'une façon ridicule, pour rien. Tout ça pour dire, mais si tu vas aller, si tu es dans une situation comme ça, tu implores Allah, tu invoques Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut t'aider, il peut te sauver, même si tu penses que tu vas périr ou que tu es condamné, hein? Il n'y avait pas de téléphone cellulaire, il n'y avait pas de, hein, il n'y avait pas de radio à cette époque-là. Ils ne pouvaient pas appeler les gens et dire, venez, on est pris à l'intérieur. Non. Le seul que tu peux appeler, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et effectivement, ils ont invoqué Allah et Allah subhanahu wa ta'ala les a délivrés, les a sauvés par sa miséricorde et par sa puissance. Donc il y a dans ça une leçon pour nous. Il ne reste pas beaucoup, on va terminer ça, Inch'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc le cheikh, il dit, وَفِيهِ مِنَ الْعِبَرِ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعُ الدُّعَاءَ فَإِنَّهُ سَمِعَ دُعَاءَ هَؤُلَاءِ وَاسْتَجَبَ لَهُمْ وَفِيهِ مِنَ الْعِبَرِ أَنَّ الْإِخْلَاصَ مِنْ أَسْبَابِ تَفْرِيجِ الْكُرُبَاتِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ. وأما الرياء والعياذ بالله والذي لا يعمل الأعمال إلا رياء وسمعة حتى يمدح عند الناس فإن هذا كالزبد يذهب جفاء ولا ينتفع منه صاحبه نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص له. الإخلاص هو كل شيء، لا تجعل نصيبا من عبادتك لأحد، اجعلها كلها لله عز وجل حتى تكون مقبولة عند الله، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، والله الموفق. Donc le cheikh il dit, parmi les leçons qu'on peut tirer de ce hadith, il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est audient. Il entend nos invocations et il nous exauce. Vous savez, quand on dit Sami Allahu liman hamida, eh bien, c'est dans le sens que Allah nous exauce. On demande à Allah, oh Allah, exauce-nous. Parce que il nous entend. On n'est pas en train de lui dire entends celui qui t'invoque. On sait qu'il nous entend. Mais c'est dans le sens de nous de exauce-nous, hein? De nous exaucer. Donc c'est ça ce qu'on recherche. Et parmi les leçons qu'on peut tirer de ce hadith, l'importance de al-ikhlas, la pureté et la sincérité dans nos actions, dans nos intentions. Et que ça fait partie des causes pour que Allah nous délivre des malheurs et des situations difficiles. Et on voit que chacun d'entre les trois hommes, quand il a invoqué Allah, il a dit « Oh Allah, si j'ai fait cela pour toi uniquement, alors délivre-nous. » Et Allah les a délivrés. Il dit « En ce qui concerne l'ostentation, ar-riya, wal-a'yadu billah, et bien il dit « Ne fais aucun de tes actions avec ostentation, ou bien pour te faire voir ou te faire entendre, pour que les gens te glorifient, ou les gens disent du bien de toi. » Il dit « Parce que cette action-là, c'est comme az-zabad. » C'est-à-dire, ça disparaît, c'est comme la mousse sur l'eau. Ça ne reste pas. Et donc, il dit, la personne qui fait des actions par ostentation, il ne va pas en profiter. Allah ne va pas le récompenser pour ça. Donc, on demande à Allah qu'il nous donne al-ikhlas dans toutes nos actions. Et il dit, donc, al-ikhlas, c'est tout. Hein? C'est le plus important de tout. Il n'y a rien de plus important que ça. Hein? Et il dit donc, ne donne aucune part de tes adorations à quiconque. Fais en sorte qu'elles soient toutes pour Allah seul, pour qu'elles soient acceptées d'Allah. Car il a été mentionné de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une parole qu'il a rapportée d'Allah, dans un hadith Qudsi, dans lequel il dit, ana aghna ash-shuraka 'an ash-shirk, c'est-à-dire, je peux me passer complètement de tout partenaire ou de tout associé. Donc celui qui fait une action et que dans cette action il associe quelqu'un d'autre que moi, alors je le laisse. Je laisse cette action pour celui avec qui il m'a associé. Hein? Donc ça c'est la fin de l'explication de ce hadith et en même temps aussi c'est la fin de ce chapitre qu'on vient de conclure. Donc on a terminé, alhamdoulillah. Et le prochain chapitre, c'est le chapitre sur la repentance, At-Tawbah. Et c'est un chapitre extrêmement important. Et donc, on va en parler, Inch'Allah, dans les cours qui vont suivre. Bi'idhnillah. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته